kii nag mbay waa ne la quoi door a ñëw France njabootam bootam léegi nag mu ne day commencé jël habitude tubaab yi quoi mu ne day dem cinéma nag benn ngoon ànd toute sa famille yóbbu bi mu demee nag mu xool ci rang bi gis ne moom rek fa nekk nit bu ñuul quoi ay tubaaba rek nekk ci rang bi léegi nag tuuram jot mu ne foog mu jéngu quoi déggu daa ci tubaab nag mais foog mu forcé mu dem ba ci guichet bi ne vendeur bi bonjour kooku ne ko bonsoir faaleew ko mu ne ko je voudrais un ticket pour moi une ticket pour ma femme et deux tickets pour mes enfants